me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le talent devient-il une arme critique de la philosophie émancipatrice des Lumières, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Comment les inégalités peuvent-elles devenir acceptables selon les idéaux des Lumières quand on se place du côté du talent, quelle est la dotation des individus, et de la vertu, comment la responsabilité entre-t-elle en jeu? Et comment la hiérarchie de statut peut-elle s'opposer à la hiérarchie de pouvoir au XVIIIe siècle? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, propose dans ses travaux de rapprocher la sociologie de l'économie, du droit et de l'histoire pour chercher à renouveler l'analyse théorique et empirique du travail, des marchés et des modèles d'acteurs dans les sciences sociales. Il s'appuie notamment sur les recherches analysant les activités et les systèmes d'emploi qui exacerbent les paris sur l'innovation et déclenche des inégalités de réussite considérables. Dans sa série pluriannuelle sur 2017 et 2018, intitulée « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités », après avoir interrogé l'étymologie de cette notion paradoxale de talent, et après avoir proposé une lecture sociologique de la célèbre parabole des talents dans l'évangile de saint Matthieu, Pierre-Michel Menger revient sur la lecture du XVIIIe siècle de la notion de talent, sur le débat des Lumières autour de l'égalité et des inégalités, et il se penche en particulier sur le domaine révélateur des carrières militaires au XVIIIe siècle. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 3 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, élément d'histoire de la notion de talent. Dans son enquête, le philologue Gianni Mombello a signalé que le cœur de son investigation était le rapport entre libre arbitre et grâce ou don. Dans un vocabulaire plus contemporain, on dirait que nous avons là l'équivalent de la relation entre des dotations dont sont détenteurs les individus par l'effet combiné de leurs capitaux personnels, génétiques, sociaux, économiques, et d'un côté, et les motivations et les dispositions à agir et à tirer parti de ces capitaux détenus d'autre part. L'essence même de l'argument méritocratique, qui a eu notamment cours à partir du XVIIIe siècle, c'est que les capacités n'ont aucune valeur si elles ne sont pas développées par des efforts ou par la vertu. Talent et vertu, vous allez le voir, sont très liés, c'est-à-dire un travail d'apprentissage et de perfectionnement, et par des motivations qui soutiennent les efforts individuels qu'il faut consentir. Et donc résonnent ici ces deux valeurs étymologiques du talent, aptitude et inclination. Évidemment, il faut encore que la société procure une égalité d'opportunité à l'expression de ses aptitudes et de ses dispositions. Alors, qu'advient-il du schéma qui était décrit dans la parabole des talents dans une société a priori inégalitaire, mais dont une élite émancipatrice veut secouer les chaînes, comme ce fut le cas avec la diffusion des idéaux des Lumières sous l'Ancien Régime en France et avec la montée du vocabulaire et la sémantique du talent et du mérite. Alors, je vais donc maintenant explorer ce morceau d'histoire à grandes enjambées, évidemment, je ne peux faire qu'une esquisse, mais je vais d'abord référer au problème général. L'histoire de la diffusion de la notion de talent dans l'histoire moderne des sociétés européennes et nord-américaines, on va dire mon savoir et mes lectures se limitent à cet espace, je ne peux pas tout démultiplier. Cette histoire peut être rapportée à un principe simple. Comment différencie-t-on un ensemble, une société, un groupe professionnel, une organisation, un ensemble de compétiteurs, pour faire émerger un principe de hiérarchisation qui soit fondé sur une qualification des différences individuelles, par exemple de capacité, tout en maintenant un équilibre acceptable et justifiable entre les situations des différentes parties prenantes. J'ai indiqué antérieurement que le principe de mon analyse du talent consiste à relier la sémantique, les usages et les fonctions de la notion à des contextes pour discerner les propriétés, comme on dit, indexicales, mais aussi la plasticité de cette notion. Comme le rappelle mon collègue Pierre Rosanvallon dans un livre qui est le produit d'un de ses cours ici, « La société des égaux », c'est-à-dire une enquête sur les débats qui ont eu cours depuis le XVIIIe siècle autour de l'égalité et des inégalités. Deux termes ont servi depuis au moins la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pardon, la seconde moitié du XVIIIe siècle, à délimiter le champ des inégalités acceptables entre les individus, les notions de vertu et de talent. De fait, l'article 6 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Ces notions se réfèrent à l'époque, donc, à la conduite des individus et au champ de la responsabilité individuelle, ça c'est la vertu, et aux données de la nature, dans la version de l'époque, c'est-à-dire le talent, comme dotation individuelle en capital. Nous verrons tout à l'heure que la vertu n'est pas une simple conduite individuelle, mais une conduite orientée vers l'équilibre inter-individuel. Car la notion de talent doit être couplée à des principes de conduite et d'auto-limitation des avantages engendrés par une réussite supérieure pour opérer cette prouesse de contester un ordre social inégalitaire, comme celui de l'Ancien Régime, afin d'en faire advenir un autre, et substituer un mécanisme endogène de hiérarchisation à un principe exogène de stratification a priori, comme le privilège de la naissance, le privilège de l'accomplissement contre le privilège de l'ascription, comme on dit en anglais pour opposer ascription à achievement. Le principe de la réussite talentueuse au XVIIIe siècle est par essence fondé sur un libéralisme individualiste qui met en avant les vertus de la compétition en lieu et place des rentes du monopole et la mobilité des situations qui sont engagées dans ces compétitions. Mais il y a plus, l'invocation du talent situe la réussite d'un individu dans une hiérarchie de prestige et de respect au sein du groupe, de son groupe, et au sein d'un ensemble social. C'est ce que les sociologues appellent une hiérarchie de statut, par opposition à une hiérarchie de pouvoir. Une hiérarchie de statut, c'est une hiérarchie dans laquelle la position relative qu'obtient un individu est considérée comme le résultat de la mise en œuvre de compétences et d'aptitudes dont l'existence et l'importance sont admises comme légitimes par les membres du groupe auquel appartient l'individu. À l'inverse, les inégalités de rang et d'ordre, comme dans la société d'Ancien Régime, peuvent être qualifiées d'inégalités de pouvoir et de mécanismes de subordination. Elles procèdent, ces inégalités-là, de la monopolisation des privilèges attachés à la noblesse, et elles procèdent du contrôle exercé par la cour et son administration sur l'allocation des titres de noblesse. Et de fait, à la différence d'une hiérarchie de statut, le pouvoir et la hiérarchie au sommet de laquelle se situe le pouvoir nobiliaire ne demandent pas à être légitimés par ceux sur qui ce pouvoir s'exerce. C'est même l'inverse qui va arriver. Même si on sait bien qu'il y a des tensions au sein de l'ordre nobiliaire au XVIIIe siècle qui révèlent des facteurs d'instabilité à mesure que cet ordre s'ouvre au recrutement par les filières d'anoblissement, au recrutement des riches bourgeois capables d'acheter des offices. Dans son livre, Pierre-Rosan Vallon indique que les notions de talent et de vertu ont connu des interprétations extraordinairement dilatées dans l'idéologie libérale conservatrice au XIXe siècle. Et c'est notamment un des cœurs de son enquête. Mais le XVIIIe siècle, lui, fournit un cadre assez stable et moins dilatable d'exploration, et c'est dans ce cadre que je vais me placer. La notion de talent a été au cœur de la philosophie émancipatrice des Lumières et d'une nouvelle définition de l'égalité. En effet, le talent fait partie des armes critiques de cette philosophie émancipatrice, libérale individualiste, et la revendication d'égalité y trouve à la fois un principe de critique radicale à l'égard de la domination de l'ordre nobiliaire, de la société d'Ancien Régime, au nom du droit au libre déploiement de ses capacités individuelles, sans distinction de rang et de naissance, et en même temps un principe de différenciation individuelle qui, tout en affirmant l'idéal d'une égalité des conditions et des opportunités, récuse aussi l'égalisation complète de toutes les positions et situations individuelles dans la société. Autrement dit, la compression des écarts entre les groupes sociaux, sur la base d'une abolition de la stratification des trois ordres de la société dans l'Ancien Régime, doit être rendu compatible avec des écarts within, au sein des groupes, métiers, professions, organisations, sur la base d'une libération émancipatrice des capacités individuelles et de la reconnaissance des accomplissements individuels réalisés. Alors, quelle spécification peut donc recevoir cet idéal régulateur de l'inégalité dans l'égalité ? Je me débarrasse d'une inégalité, mais pour refonder un autre processus endogène après avoir égalisé des conditions ou revendiqué l'égalisation d'abord formelle par le droit du citoyen et du vote, et ensuite par d'autres mécanismes, après avoir donc créé des conditions d'égalisation, qu'est-ce que je peux reconstituer comme mécanisme de différenciation ? Je vais évoquer quatre spécifications. Une première spécification de cette inégalité dans l'égalité, c'est ce qu'on peut appeler l'égalité en liberté, qui récuse toute forme de dépendance à l'égard d'autrui, de soumission à la volonté d'autrui. Et de fait, l'inverse absolu de l'indépendance personnelle, ça a été l'esclavage qui a été érigé en repoussoir central par le libéralisme politique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ici, l'autonomie de l'individu est une condition nécessaire de l'émancipation dans ses dimensions matérielles, morales et politiques. Et l'accès de chacun au vote et à la citoyenneté assorti des pleins droits civiques et politiques en est l'expression directe et immédiatement égalisatrice. Sur ce socle peuvent se construire des inégalités légitimables, comme l'écrit l'un des rédacteurs de la Constitution de 1791, que je cite d'après Pierre Rosanvallon, c'est Rabaud Saint-Étienne, un député du tiers-État, qui fut même brièvement président de l'Assemblée constituante en 1791. Et dans ses idées sur la base de toute constitution, il écrit en 1789, pardon, « On pose pour principe dans la formation d'une société que tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu'ils sont tous égaux de taille, de talent, d'industrie, de richesse, ce qui serait absurde, mais qu'ils sont égaux en liberté. » C'est aussi la position de Rousseau dans son discours sur l'origine de l'inégalité. L'origine de l'inégalité procède à une fiction des origines et de la différence entre un état de nature et un état de société pour décomposer les mécanismes d'inégalité, en quelque sorte. C'est une expérience de pensée qui revient à faire une décomposition des facteurs d'inégalité. Et Rousseau écrit ici, je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités, l'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme, l'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et qu'elle est établie ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riche, plus honoré, plus puissant qu'eux, ou même de s'en faire obéir. Le texte suit à propos de la liaison entre ces deux inégalités. Je ne vais pas le lire intégralement, si je n'aurais plus assez de temps. Mais vous voyez que la distinction initiale est entre des inégalités naturelles, immédiatement indexées sur différents paramètres de singularisation, caractéristiques physiques et cognitives, etc., santé, âge, et des inégalités construites socialement, et référées à des contextes moraux et politiques. Mais c'est la relation entre les deux inégalités qui pose problème. D'une part, justifier les inégalités de pouvoir ou de richesse sur la seule base de différences naturelles, c'est immédiatement convertir les différences en inégalités irréversibles et non compensables. Mais de l'autre côté, et à l'inverse, concevoir toute forme d'inégalité comme une convention ou une construction sociale, c'est affaiblir ou ruiner tout simplement l'idée de différenciation capacitaire naturelle, telle qu'elle est associée par exemple à la physiologie du vieillissement, aux capacités physiques ou à la machinerie cognitive. Et Rousseau maintient bien une source naturelle de l'inégalité, mais en ayant posé qu'il n'y a pas de liaison nécessaire et automatique entre les deux inégalités. L'une est individualisée et n'est pas rapportée à un contexte de relation sociale ou d'interaction sociale. C'est tout le principe de la fiction de l'état de nature. Alors que l'autre inégalité est à l'inverse entièrement définie par son immersion dans la collectivité et dans le rapport à autrui et dans une comptabilité asymétrique entre des avantages détenus par certains et qu'ils exploitent au détriment d'autres. L'inégalité référée à une origine dans le monde naturel est donc conçue par Rousseau comme une sorte de jeu à somme positive, c'est-à-dire une situation dans laquelle les différences ne sont pas constituées en avantages, mais en une variété différenciatrice et évolutive de caractéristiques individuelles qui ne sont pas rapportées à des comparaisons et à des hiérarchies. À l'inverse, dans le monde social, tel que Rousseau le décrit dans son discours, et avec cette radicalité de la simplification narrative, le jeu est à somme nulle. Pour que certains obtiennent quelque chose, d'autres doivent en être privés. Pour établir cette séparation décisive entre un état où la différence entre les individus est une donnée non rivale, comme diraient les économistes, ou un bien non rival, ma différence est une richesse et pas quelque chose que j'enlève à autrui, entre donc cet état et un état où elle devient un bien rival, Rousseau procède à cette fameuse mise en intrigue narrative qui distingue les hommes dans l'état de nature et l'entrée dans la société. C'est une expérience de pensée qui a deux versants. Construire une philosophie de l'individu et localiser les différences individuelles avant qu'elles deviennent des inégalités exploitées en société pour déterminer comment elles peuvent s'exprimer sans devenir le poison de la vie sociale via les comparaisons, les compétitions ou même la spécialisation du travail par la division du travail associée à des écarts de performance. Et d'autre part, imaginez quel système politique peut s'imposer à une société qui reconnaît pleinement l'individu comme libre, autonome et responsable, afin de le doter d'un pouvoir d'agir individuellement et de la volonté de créer un ordre collectif qui limite sa volonté particulière et qui limite donc le jeu des préférences et des intérêts individuels, mais au bénéfice de tous, c'est le principe du contrat social, sans priver les individus de leurs caractéristiques fondamentales. Voilà le problème assez sérieux auquel Rousseau doit s'affronter. Et donc, la fiction des origines consiste à demander que verrions-nous si nous placions les individus dans une situation radicalement inverse de celle du monde social tel que nous l'observons immédiatement autour de nous. Alors, je ne vais pas détailler la fiction rousseauiste de l'état de nature, mais je vais juste en indiquer quelques propriétés simples qui font système. La relation directe avec la nature permet un développement, comme dit Rousseau, d'un tempérament robuste et presque inaltérable de l'individu. C'est Singularity de Google et de ses équipes version Rousseau, c'est-à-dire que nous pouvons aller très loin jusqu'au bout de nos possibilités dans cet état de nature. C'est d'autre part la transmission entre parents et enfants qui est directe et complète, il n'y a pas de problème. L'être humain développe une ingéniosité du corps qui est sans défaut. Il s'adapte à ce qui est exigé de son environnement. Il apprend à se comparer aux animaux pour leur résister et les dépasser. Et le vieillissement est une donnée commune du vivant à laquelle chacun consent naturellement et sans impliquer personne d'autre dans la gestion de son déclin. Dans la fiction de Rousseau, les vieux vont mourir solitairement, comme les vieux japonais la réalité ou dans les contes. Et les maladies, c'est-à-dire le déséquilibre, sont le produit des sociétés. C'est aussi une économie de la limite. Les passions sont déséquilibrantes et les besoins, eux, ils sont autolimitatifs. Comme dit Rousseau, le besoin satisfait, tout le désir s'éteint. Et la nature, c'est-à-dire l'environnement immédiat des individus, procure tout ce qui est nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit de satisfaire des besoins primaires, faim, soif, chaleur, mobilité, etc. Dans cette économie individualiste, il n'y a pas d'interaction entre les individus, ou du moins pas d'interaction stratégique, c'est-à-dire que mon comportement ne dépend pas de celui d'autrui. Je ne vais pas caler mon comportement sur ce que j'anticipe de ce que va faire autrui. Autrement dit, pas d'interdépendance répétée des acteurs qui conduirait à ouvrir l'espace des anticipations et des calculs. Et même s'il y a de la violence dans les rivalités, elle n'a aucune portée, ni aucune mémoire, ni aucune intentionnalité. C'est vraiment une expérience de pensée radicale. Les individus sont essentiellement autonomes, indépendants et s'autosuffisent. C'est d'ailleurs une manière intéressante de qualifier la séparation entre une situation à somme positive et une situation à somme nulle. Dans un cas, celui de la situation à somme positive, il n'y a pas de rareté des ressources pour que ça fonctionne. La nature satisfait des besoins, ce qui évite des situations de compétition. En revanche, dans le cas du jeu à somme nulle, il y a une rareté absolue et relative des ressources. Il y a trop de monde sur un espace donné, et il y a des rivalités pour se procurer des biens dont la rareté devient sociale plus que physique. C'est le fameux thème de l'imprécation contre le luxe. Cette liaison entre la rareté et la configuration de la situation est d'ailleurs une matrice argumentative. On retrouve exactement ce genre de raisonnement chez Marx ou alors chez le Sartre de la critique de la raison dialectique. Je vous invite à relire ce grand livre, complexe mais fort passionnant. Et Raymond Aron, d'ailleurs, en avait fait une lecture très intéressante. C'était un remarquable professeur, ici même. Il a écrit un commentaire très développé de la critique de la raison dialectique dans « Histoire et dialectique de la violence ». et qui est notamment fondée sur l'étude des rapports entre la pensée marxienne et la pensée sartrienne. En tout cas, dans l'état de nature, les écarts de réussite dans ce qu'entreprennent les individus ne posent pas de problème. Et qu'est-ce qui arrive quand tout ça bascule dans les relations sociales ? Il y a déséquilibre, comparaison interindividuelle, spécialisation par la division du travail avec des supériorités et des infériorités. Et comme dit Rousseau ici, je résumais les termes de l'enquête, les inégalités, c'est le produit des différences entre les individus multipliées par les circonstances qui les libèrent, en quelque sorte. Il évoque une situation de transition entre l'état de nature et l'état de société, qui est une situation qui, comme toute transition, ne peut pas durer et qui est une deuxième fiction. Voilà ce qui arrive quand cette transition n'est plus tenable. Il dit les choses auraient pu demeurer dans cet état si les talents avaient été égaux. Par exemple, l'emploi du fer, la consommation de denrées eussent toujours fait une balance exacte. Tout ça, c'est un vocabulaire de la disproportion et de la supériorité. Le plus fort faisait plus d'ouvrage, le plus adroit tirait meilleure partie du sien, le plus ingénieux trouvait le moyen d'abréger le travail, etc., etc. C'est ainsi que l'inégalité naturelle se déploie insensiblement avec celle de combinaison et que les différences des hommes, développées par celles des circonstances, donc c'est ce facteur multiplicatif, se rendent plus sensibles, plus permanentes dans leurs effets et commencent à influer dans la même proportion sur le sort des particuliers. Et donc, le raisonnement de Rousseau, pour en finir, repose sur des postulats suivants. Si les individus ne se comparaient pas entre eux et ne spécialisaient pas leurs activités par la division du travail, les différences de nature ne se mueraient pas en inégalité sociale. D'autre part, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre entre le besoin et son assouvissement, il n'y a pas de rareté des ressources. Et chacun évolue dans un équilibre entre ressources et besoins. Aucune relation de compétition ne peut apparaître. D'où le lien que Rousseau établit entre propriété, division du travail et inégalité. Mais la fiction de Rousseau repose aussi sur l'argument suivant. Sans interaction sociale, il ne peut pas y avoir de développement des capacités humaines. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire le langage, la pensée, la réflexion, l'imagination, la pitié, l'empathie, tout ça, c'est le produit de l'entrée dans la société. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de perfectionnement de l'individu, pas de déploiement de ce potentiel différenciateur qui est contenu dans la répartition des talents inégalement distribués par la nature. Et c'est ça le problème. La contrepartie de ce développement et de ce perfectionnement de la civilisation, c'est une contrepartie négative avec le développement des facultés individuelles que les interactions de la vie collective et en société rendent possibles. Des désirs deviennent plus élevés et plus insatiables. C'est le propre de l'imagination que de pousser à sortir de la limite, à anticiper le futur, à entrevoir un futur plus agréable, à se comparer à autrui et à espérer mieux. Les comparaisons sont génératrices de domination et d'envie, et elles sont omniprésentes. Et le bilan est ainsi résumé par un Rousseau pessimiste. Tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce. Vous pourrez mettre en résonance ce genre d'analyse avec certaines des hypothèses de la théorie de la décroissance. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais on peut regarder qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas. Donc, en d'autres termes, il en va du talent comme de ses dispositions qui sont présentes à l'état virtuel chez l'individu. L'expression complète des différences interindividuelles se déploie avec la sortie hors de ce fameux état de nature et avec l'entrée dans l'histoire et dans la société. L'individu se perfectionne, le langage progresse, l'imagination se déploie, l'ingéniosité augmente, les sciences, les arts se développent, et les différences de capacité s'expriment et deviennent opératoires. Mais l'équilibre du jeu à somme positive est rompu. Le jeu à somme positive n'était possible que dans une situation d'équilibre entre l'homme et son environnement et dans une naturalisation complète de l'individu. Socialisé, il devient tout ce qu'il peut être, et chacun différemment, mais la différence entre les individus qui étaient non-rivales pivote en un écart de supériorité et d'infériorité. Rousseau définit une incarnation possible d'une société conforme à son idéal, c'est une société d'artisans. Il y a un très joli commentaire de Louis Althusser sur le contrat social dans un texte de 1967 qui pointe très bien ce point-là en faisant la liste des régressions économiques dont Rousseau doit se rendre responsable pour faire advenir ce qu'il appelle sa société du contrat social. Donc une société idéale au cœur de Rousseau, c'est une société d'artisans avec un goût pour le travail indépendant et pour les petites communautés d'échange et de délibération. Tout sauf la subordination. Mettez ça en résonance avec beaucoup de débats récurrents, y compris aujourd'hui, et vous verrez que nous avons une fibre rousseauiste qui est là depuis très longtemps. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, aujourd'hui élément d'histoire de la notion de talent. Thank you. La deuxième spécification de l'inégalité dans l'égalité relève d'une conception qui est strictement inverse de celle de Rousseau. Les différences qui peuvent s'exprimer dans des inégalités de capacité et de réussite sont en fait un bien commun nécessaire aux avancées de la société, moyennant certaines conditions, par exemple, et non des moindres évidemment, l'égalisation progressive des opportunités d'accomplissement individuel. Il s'agit en quelque sorte de trouver la voie d'un jeu social à somme positive sous condition d'inégalité des capacités. Un penseur comme Condorcet, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, qui date de 1794, avait trois espérances dans le progrès humain: la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple et le perfectionnement réel de l'homme. Et comme dit Condorcet, s'agissant de l'égalité de fait, qui est le dernier but de l'art social, comme il dit dans son vocabulaire, elle doit diminuer les effets de la différence naturelle des facultés et ne plus laisser subsister qu'une inégalité utile à tous, parce qu'elle favorisera le progrès de la civilisation, de l'instruction et de l'industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement. On trouve une formulation antérieure qui va exactement dans ce sens-là, c'est celle de l'un des rédacteurs de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on pourrait même dire de Diderot, d'Alembert et de Jaucourt, tellement le fameux de Jaucourt, Louis de Jaucourt, qui était un savant polygraphe, a contribué à l'encyclopédie, et Diderot le surnommait gentiment l'esclave de l'encyclopédie, mais on connaît aussi un autre propos de Diderot qui disait « Ne craignez pas qu'il s'ennuie de moudre des articles, Dieu le fit pour cela », ce qui est une forme de parabole du talent assez ironique. De Jaucourt dit « Telle est en effet la nature et la constitution de l'homme que hors de la société, donc cette fois-ci c'est anti-rousseauiste au possible, il ne saurait, enfin c'est rousseauiste et anti-rousseauiste, il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer et perfectionner ses facultés et ses talents, ni se procurer un vrai et solide bonheur. Ça, Rousseau serait d'accord, mais il dirait la conséquence est catastrophique. Nous voyons que la nature a voulu partager et distribuer différemment les talents entre les hommes et donnant aux uns une aptitude de bien faire certaines choses qui sont comme impossibles à d'autres, tandis que ceux-ci, à leur tour, ont une industrie qu'elle a refusée au premier. Et ainsi, si les besoins naturels des hommes les font dépendre les uns des autres, la diversité des talents qui les rend propres à s'aider mutuellement les lie et les unit. Bref, c'est l'idéal de la complémentarité et de la non-rivalité. Mais il faut qu'elle puisse se déployer sur la base de différences. Il est vrai que, contrairement à Rousseau, Jaucourt veut croire que la sociabilité, autrement dit l'obligation réciproque entre les hommes, c'est la source de la bienveillance entre les individus et la source de la morale collective, parce qu'elle incite tout simplement à rechercher l'équilibre entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour autrui, sous le principe régulateur de la recherche du bien commun. Comme dit aussi de Jaucourt, le bien commun est la règle suprême de notre conduite et nous ne devons jamais chercher notre avantage particulier au préjudice de l'avantage public. Cette question de la liaison positive ou négative entre perfectionnement, ce qu'on appellerait aujourd'hui la croissance, et des inégalités utiles, c'est un thème majeur des débats dans la pensée économique, mais aussi dans la philosophie de la justice sociale depuis 3 siècles. Je vais peut-être aller vite, mais il y a un auteur qui est fameux pour sa contribution à ce débat, c'est John Rawls, dans la théorie de la justice, quand il cherche à neutraliser le premier facteur générateur d'inégalité, les différences de talent, dans son modèle de justice et d'égalité. Il le neutralise, mais pas pour l'abolir. Il le neutralise pour, c'est sa solution, collectiviser les excellences, autrement dit le talent de chaque individu, qui deviendra une sorte de bien public doté d'externalités positives. Donc cette solution de Rawls consiste à transformer ce qui fait la différence de chacun avec les autres, compris en supériorité, en un bien profitable à tous, collectiviser donc ses atouts et ses talents naturels. Comme il dit, chaque individu ne trouve à s'accomplir qu'en participant d'une communauté dans laquelle le moi se réalise dans les activités de multiples individus. Et en cela, les talents s'opposent aux biens et aux services de consommation qui satisfont essentiellement des préférences égoïstes. Ici, il faut aussi entendre raisonner le vocabulaire de l'activité contre le vocabulaire de la consommation. La consommation peut être l'empire des préférences rivales et des désirs insatiables. C'est exactement comme ça que Durkheim pensera l'économie du déséquilibre, de la non-limitation des désirs dans des termes quasiment rousseauistes. Lisez de la division du travail social, vous comprendrez que Durkheim est un très grand héritier de Rousseau. Les consommations sont essentiellement, le monde de la consommation est un monde de la rivalité et de l'ostentation et des préférences égoïstes. À l'inverse, l'espoir et le modèle de Rawls célèbrent l'activité comme un monde où nous pouvons nous compléter en mutualisant, comme aurait dit De Jocou, en mutualisant nos excellences. Et voilà la citation que je voulais vous donner. L'imagination, l'esprit, la beauté, la grâce, ainsi que d'autres atouts et talents naturels de l'individu sont des biens aussi pour les autres. Ils sont l'objet d'une satisfaction pour nous-mêmes comme pour nos associés. S'ils se manifestent de la bonne façon et à bon escient, ils constituent les moyens humains pour des activités complémentaires dans lesquelles les individus coopèrent et prennent plaisir à la réalisation de leur propre nature ainsi qu'à celle d'autrui. Cette classe de biens constitue les excellences. C'est une des raisons pour lesquelles Rawls dit que nous pouvons admirer chez autrui ce que nous n'avons pas en nous. C'est quand même un problème intéressant. Et il ajoute, en voyant chez les autres l'exercice de compétences de haut niveau, nous y prenons du plaisir et le désir s'éveille en nous de faire des choses semblables. Nous-mêmes, nous voulons ressembler à ces individus qui ont développé des compétences que nous trouvons latentes dans notre nature. C'est un fameux mélange d'Aristote et de Rousseau. Et comment cela se peut-il ? C'est que la différence est un principe essentiel fondé sur une variété de talents ou de compétences et sur le fait que personne ne peut réaliser la totalité de ses talents et de ses compétences. Alors, il existe une troisième spécification de cette inégalité dans l'égalité qui consiste à restreindre les effets des inégalités de résultats. Autrement dit, à recommander une morale de la vie collective et une économie morale des comportements individuels qui sont compatibles avec des écarts légitimes de réussite. Rousseau dénonçait déjà le culte du paraître et l'hubris des passions qui soutiennent l'exhibition de toute forme de supériorité. Et Condorcet et bien d'autres auteurs au XVIIIe siècle recommandent une simplicité des mœurs, une économie morale de la vertu, une relation bien proportionnée entre travail et rémunération. Et toute une lignée de penseurs ont mis en avant ce pouvoir régulateur de l'autolimitation des passions, incarné dans la frugalité ou dans la modération, afin de résister à la passion destructrice de l'ostentation et du luxe, qui transforme quasiment les inégalités en spectacle quotidien. En somme, le talent est certes un facteur d'accomplissement individuel, mais une élite du talent doit se comporter tout autrement qu'une élite des privilèges de rang et de richesse. D'où la complémentarité recherchée entre le talent comme capacité et la vertu comme conduite. L'article « Talent » de l'encyclopédie met ainsi en garde contre l'hubris de la supériorité à l'égard d'autrui. La voilà, cette citation de l'article « Talent » de l'encyclopédie. « Tous les talents, de quelque espèce qu'ils soient, ne dépendent pas de nous et ne doivent par conséquent nous inspirer ni orgueil pour nous, ni mépris pour les autres. Ils ne deviennent estimables que par le bon usage que nous en faisons » et ne se sentent recommandables que par la modestie qui en relève l'éclat et le mérite. C'est une idée ancienne. Dans une de ses lettres au Lord of Essex, en 1599, le philosophe et savant anglais Francis Bacon soulignait qu'un succès immodéré éteint le mérite et suscite l'envie. Enfin, la quatrième spécification de l'inégalité dans l'égalité correspond à la suppression des barrières à la mobilité sociale et à l'égalisation pour tous les individus des conditions de possibilité de l'expression de leurs talents. Les privilèges héréditaires de la société d'Ancien Régime définissaient une stratification rigide et plaçaient en outre cette stratification dans un horizon temporel de transmission et donc d'immobilité des dominations héréditaires. Même si la réalité de la société d'Ancien Régime est celle d'une disjonction croissante entre le pouvoir détenu par ce groupe nobiliaire et le pouvoir économique croissant de la bourgeoisie de capacité, puisqu'il y a une porosité entre les deux groupes qui existent progressivement et dont je vais donner, j'espère, dans le temps qui me reste, hein, quelques indications. En tout cas, la mobilité sociale est considérée comme la condition de la tolérance aux inégalités, parce qu'elle est le produit de la convergence des idéaux d'égalisation des opportunités de réussite individuelle, dans quelque ordre que se situe cette réussite, et d'accomplissement proportionné aux talents et aux vertus mises en œuvre. Mais évidemment, la société n'est pas un système sans mémoire qui redistribuerait sans cesse les chances des personnes d'une génération à l'autre. Les positions sur la conception d'un nouvel ordre social, juste et également ouvert aux réalisations individuelles, se distribuent en fait sur un axe qui va de la naturalisation du talent d'un côté à sa socialisation de l'autre, c'est-à-dire avantage naturellement accordé par une nature bienveillante, mais dont l'entrée en société dévoie l'expression, comme dans la formule de Rousseau, en le transformant en un principe arbitraire de hiérarchisation qui gradue même des degrés de liberté et d'autonomie des individus, ou à l'autre extrémité, produit du travail éducatif, individuel et collectif. Mais dans tous les cas, talent, instruction et mise en œuvre des savoirs acquis sont conçus comme complémentaires et jamais purement substituts. C'est le lexique même du talent qui impose cette relation de complémentarité. Une capacité a besoin de conditions de réalisation pour s'exprimer. Et l'importance accordée à l'éducation et à la redistribution des chances par l'instruction est strictement complémentaire du rôle donné au talent dans la philosophie des Lumières et dans la doctrine de l'égalité émancipatrice de la Révolution française. Alors, je cherche une illustration de ce que je viens de dire et elle m'est donnée par le cas de l'armée. L'armée a été certainement le socle de l'excellence nobiliaire. La noblesse d'épée, c'est la noblesse par excellence, en quelque sorte. Et c'est aussi celle qui est restée la plus fermée, comme vous allez le voir tout de suite, jusqu'au bout, jusqu'à la Révolution. Mais c'est aussi le lieu de transformation et, par exemple, de la création d'écoles supérieures destinées à détecter, à sélectionner et à former les talents, même dans un vivier aussi étroit que celui de la noblesse. Le lieu où on a inventé aussi des corps techniques qui ont très vite fait appel à la valorisation de formation et de compétences comme celle des mathématiques. Il y a un joli travail d'une collègue, Valérie Panzini, sur les topographes dans l'armée et les qualités requises des topographes, et notamment les talents, comme le coup d'œil, qui est une forme de talent, qui permet de soutenir cet argument de « tout n'est pas le produit simplement d'une instruction, mais il y a plus que ça ». C'est toujours cette interaction complexe. On ne peut pas réduire l'un à l'autre, sauf dans certaines versions de l'argument. Voilà. Et des historiens ont fait des travaux absolument remarquables sur l'armée au XVIIIe siècle et ses transformations. Il y a toute une lignée d'historiens, notamment américains, David Bien, Smith et Blaufarb, ont consacré des travaux à l'armée sous l'Ancien Régime pour y détecter les transformations qui s'y étaient réalisées. Alors, qu'est-ce que montrent ces travaux ? Ces travaux observent qu'il y a un resserrement du monopole d'accès aux carrières d'officiers À la fin du XVIIIe siècle, il y a un fameux édit du maréchal de Ségur qui impose en 1781 à l'armée de ne plus recruter pour les emplois supérieurs d'officiers que des nobles de quatre quartiers de noblesse. Donc nobles eux-mêmes, nobles de père, de grand-père. Donc c'est une exigence évidemment très élevée et uniquement du côté paternel, pour ajouter au verrou de sécurité. Alors cette réforme intervient dans le contexte d'une dégradation des performances de l'organisation militaire. La guerre de 7 ans, qui a lieu de 1756 à 1763, si j'ai bonne mémoire, la guerre de 7 ans a été une catastrophe, une humiliation, une coalition importante, France, Autriche, Russie, a été défaite et a perdu face à une mini-coalition entre la Prusse et la Grande-Bretagne. Et en tout cas, sur le théâtre européen, il y avait une autre... La guerre de 7 ans était une autre guerre aussi ailleurs. Il y avait un théâtre des opérations en Amérique du Nord. Mais sur le théâtre européen, la France a été défaite et a échoué. Et donc, évidemment, les questions se sont posées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette armée qui est supposée détenir toutes les vertus, l'honneur, le courage, la bravoure? C'est des vertus ontologiques, puisqu'elles proviennent du fait de son recrutement parmi la noblesse, qui est ontologiquement détentrice de ces vertus. Donc, comment se fait-il que ça ne fonctionne pas? Alors, l'interrogation, évidemment, a été de se demander si l'armée n'avait pas fini par s'ouvrir peut-être excessivement à des recrutements non nobles, autrement dit... la non-noblesse, c'est le poison qui s'insinue dans le corps, dans le sang bleu de la noblesse, et c'est ça la responsabilité des mauvaises performances de l'armée, ou si au contraire, et si donc il ne convenait pas de restreindre ce mécanisme de recrutement. Alors, quand on regarde les données, les historiens ont examiné l'hypothèse, et quand on regarde les données, on s'aperçoit que l'armée ne s'est jamais vraiment ouverte à des recrutements extérieurs. À la noblesse, pour les postes d'officiers, que donc ça se passe bien dans le monde des officiers nobles. En même temps, l'analyse va aller dans un autre sens, et c'est ça l'intérêt du travail, par exemple, de David Bien ou Bayen, c'est de regarder qu'est-ce qu'était la noblesse ailleurs que dans le monde de l'armée. Et il y a là une statistique qui est très intéressante. C'est une statistique qui porte sur les voies d'anoblissement, les différentes filières d'anoblissement dans la noblesse. La noblesse, on pouvait y entrer en achetant des offices. Et il y a une série de possibilités. Il y a des achats d'offices, et puis il y a les fameuses lettres noblesse qui sont accordées discrétionnairement par le roi à des personnalités méritantes, talentueuses, les artistes, des scientifiques, et d'autres aussi, éventuellement, qui ne sont pas simplement les enfants des arts, des lettres et des sciences. Mais ça, c'est une voie directe, mais elle concerne peu de monde. Le reste est là. Et David Bayern s'est jeté dans les archives et a reconstitué le nombre de ces recrutements pour savoir si ces achats d'office correspondaient effectivement à des recrutements de roturiers, ici, c'est-à-dire de non-nobles, ou alors ces offices étaient achetés par des nobles qui voulaient consolider leur noblesse et en tout cas occuper des charges, et des nobles de deuxième, troisième ou quatrième génération. Donc il reprend le critère qui correspondrait à ce qu'on pourrait observer dans l'armée. Et il conclut que 86% des procédures d'achat d'offices et d'anoblissement par les lettres de noblesse correspondent à des personnels qui n'auraient jamais satisfait aux critères du recrutement de l'armée et que par ailleurs, il y a effectivement un renouvellement très important un afflux très important de roturiers dans la noblesse, 2400 sur 3300 dans ces situations d'occupation, d'emploi dans l'administration, dans la finance, tout ce que sont les offices dans l'appareil d'État royal. Et donc, il conclut que on n'observe pas du tout d'évolution du côté du recrutement de l'armée, mais on en voit bien un du côté de tout le reste de la noblesse. Alors ensuite, l'enquête va se porter sur l'introduction de réformes possibles dans l'armée pour remédier au problème. Il se pouvait donc que ce soit une question de renouvellement. Non, ça n'est pas ça. Enfin, de hybridation des origines, ça n'est pas ça. Mais l'autre manière de raisonner, c'est de dire c'est à l'intérieur même de l'armée qu'il faut adopter des mécanismes. Autrement dit, l'armée est une organisation. L'armée, ça n'est pas une sorte de monde qui baigne dans une idéologie du talent. Non, non, c'est une organisation qui doit promouvoir quelque chose. Est-ce que l'armée peut devenir méritocratique même en étant homogène dans son recrutement? Et là s'opposent deux groupes, un groupe de réformateurs des nobles, d'ailleurs, évidemment, qui font partie de la noblesse, soit des généraux, soit des nobles qui ne sont pas dans l'armée, et qui réfléchissent et qui font travailler des comités, des sous-comités, pour enquêter sur ce qui ne va pas dans l'armée, et qui proposent une série de pistes de réforme, notamment en adoptant explicitement un critère méritocratique. On avance dans l'armée, quand on est recruté comme officier, à proportion de ses mérites et de son talent. Et il faut donc un système pour détecter tôt, former et promouvoir ses valeurs de talent. À l'inverse, le maréchal de Ségur, encore lui, proposait de simplement expliciter un mécanisme qui paraissait implicite, c'est-à-dire il y a deux filières de promotion, les nobles riches vont vite, c'est la fast track, et les nobles de petite origine et qui sont pas très riches, eux, ils iront lentement et ils seront plafonnés. Ils n'iront pas plus loin que lieutenant, colonel et surtout pas général. Et la solution de Ségur ne marche pas. C'est en fait l'autre solution qui se révèle plus efficace et qui finit, mais il est tard, on est dans les années 1780, qui aurait dû finir par s'imposer, mais l'histoire en décidera autrement, puisque la Révolution balayera toutes ces hypothèses, mais ne balayera pas, en revanche, les grandes institutions qui ont été créées pour détecter les fameux talents, les former, l'école militaire, l'école des ponts et chaussées, et d'autres institutions qui sont des héritages de ce temps-là. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 3 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minguer, aujourd'hui élément d'histoire de la notion de talent. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche, en point seuil, son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Et je vous rappelle également l'ouvrage de Pierre-Rosan Vallon, « La société des égaux », publié au Seuil en 2011. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre enquête autour du talent en compagnie du sociologue Pierre-Michel Minguer. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.